Confiance, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Confiance. De tous côtés, je m'entends dire que dans mon amoureux délire, je ne vois pas autour de moi. Qu'avec une feinte tendresse, ma belle et perfide maîtresse, en me quittant, rit de ma foi. Viens sur mon cœur, ma bien-aimée, viens sur mon oreiller pâmé me jurer un constant amour, viens m'enivrer d'une caresse, que sur ta gorge de déesse je me repose jusqu'au jour. Mainte femme à l'esprit frivole, dont l'amour à tout vent s'envole sans même attendre le désir, sans but autre que l'inconstance, de châtier ton innocence déjà savoure le plaisir. Dis-moi bien que tu les méprises, je veux que tu me le redises, tes serments sont vrais, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas l'âme traîtresse, et dans nos courts moments d'ivresse, tu ne ris pas entre mes bras. Soufflons la bougie indiscrète, qu'aucun souci ne nous arrête, aimons-nous jusqu'à la mort. Demain, ta prunelle ternie par l'amour et par l'insomnie me semblera plus belle encore. Fin de Confiance, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.